44e chapitre. Le Nowrouz à Téhéran. Le salam du chat. Suivant la coutume, on avait fait au palais les préparatifs annuels pour le salam de Sa Majesté à l'occasion du Nowrouz. Note, salam, réception officielle. Deuxième note, Nowrouz signifie nouveau jour. Les chiites le célèbrent à l'équinoxe du printemps, c'est-à-dire le 21 mars. D'après eux, Ali a reçu ce jour-là le califat de Mahomet. C'est ce qui rend cette fête plus sacrée et fait qu'elle n'est pas mobile, mais réglée par l'année solaire. Fin de ces deux notes. Le Nowrouz est une fête toute païenne qui date des premiers temps de l'idolâtrie. Beaucoup de superstitions se rattachent à ces cérémonies, et si ce jour amène quelques désagréments, c'est un signe néfaste pour toute l'année. Comme les fêtes en Orient commencent après le coucher du soleil, un grand nombre de dignitaires de la cour s'étaient rendus au palais la veille du nouvel an pour présenter leurs hommages au chat Incha lorsqu'on leur annonça que le salam n'aurait pas lieu le lendemain. Rien ne se faisant à la cour de Perse sans avoir consulté préalablement l'astrologue royal, ce soir-là, Sa Majesté n'avait pas manqué d'interroger le ciel par l'intermédiaire de son oracle. La réponse ayant été défavorable, la réception fut contremandée et remise au second jour de l'année, considérée comme propice en raison de la conjonction des astres. Note, ces détails sont historiques en tout point. Fin de note. Les Téhéranis furent consternés de voir remettre la fête, mais ils éprouvèrent bientôt une grande satisfaction, car une pluie torrentielle tomba le premier jour de l'an. L'astrologue, cette fois, avait dit vrai. Pour la plupart, la réalisation de sa prédiction augmenta encore leur foi dans les pronostics de ses devins. Les autres, moins crédules, en reportèrent simplement le mérite au baromètre du palais royal de Téhéran. Le 22 mars 1878, s'annonça comme une véritable journée de printemps. Autant le ciel avait été gris, terne, triste la veille, autant il fut brillant, ensoleillé, radieux, ce jour-là, Téhéran était tout à la joie. J'avais été invité à assister au salam, dans une loge que le ministre des Affaires étrangères met à la disposition du corps diplomatique et des Européens. Cette loge, située dans une cour intérieure du palais, à gauche du pavillon du trône, est la meilleure place pour voir l'ensemble et les détails de la cérémonie. Note, trône, talar, fin de note. J'eus peine à me frayer un passage dans l'avenue principale du faubourg européen menant au palais qui regorgeait de monde. Chacun avait mis ses plus beaux habits et la plupart étaient habillés tout à neuf, car on prétend qu'étrenner un vêtement le jour du Nowrouz porte bonheur. Le plus grand nombre des hommes étaient coiffés de bonnets qu'ils venaient d'acheter pour la circonstance. Je vis passer le corps diplomatique au grand complet, allant au salam, avec toute la pompe et la solennité voulue. Les ministres sont ordinairement reçus par le chat dans une salle dite Amareti Rothschild, avant que Sa Majesté ne se rende au pavillon du trône. Note, Amareti Rothschild, pavillon du soleil. Fin de note. Les représentants étrangers, au nom de leur gouvernement respectif et par la voix des drogmans, expriment leurs félicitations au souverain qui répond par le même intermédiaire. Les soldats du chat défilèrent, musique en tête, jouant des fanfares joyeuses. Sur la place des canons, on voyait les canonniers postés entre les fameuses pyramides de boulets dorés et argentés brillant au soleil et les pièces d'artillerie qu'ils avaient fait reluire de leur mieux. De tous côtés, débouchés du quartier musulman, les dignitaires de l'Empire, les officiers de l'armée, les chefs des différentes administrations, le clergé, l'historiographe, le poète du chat et une foule d'autres personnages qui venaient présenter leurs vœux au maître absolu de leur destinée. Des ferrages allaient en tous sens, portant sur la tête des plateaux garnis de tchirini, recouverts d'un tapis brodé ou frangé d'or. Note. Les tchirini, étant le symbole du plaisir et du bonheur, sont surtout offerts pour le Nofrouz. Jadis, celui qui entreprenait un voyage périlleux répandait du sucre sur le seuil de sa porte et y passait avec son cheval, espérant ainsi une bonne réussite. Fin de note. Un grand nombre de femmes passaient silencieuses, enveloppées d'une chadra neuve garnie de fils dorés. L'éclat du maroquin de leurs mules rouges, jaunes, bleues, vertes indiquait de loin qu'elles les portaient pour la première fois. Des enfants aux cheveux rouges, les mains et les ongles fraîchement enduits de henna montraient aussi qu'on s'était occupé avec soin de leur toilette de fête. Au milieu des piétons chevauchaient des cavaliers accompagnés d'une suite de ferrach et de djellodar allant offrir leurs souhaits de Nofrouz aux personnages de quelque importance, car en Perse comme en Europe, l'étiquette des visites du premier de l'an est scrupuleusement observée. Ces cavalcades croisaient tantôt les carrosses démodées des seigneurs indigènes, tantôt les équipages modernes des ministres étrangers. Enfin, je parvins à l'entrée du palais. On me conduisit par un dédale de portes et d'allées vers la partie de la résidence royale nommée Divan Hané Shah, palais d'audience. Au fond d'une vaste cour d'allées, plantée d'arbres et ornée de bassins avec des jets d'eau, se trouve le pavillon du trône. Note, les réceptions officielles n'ont pas toujours lieu dans ce pavillon. Parfois, le salam se tient dans une des salles du palais où l'on met le trône. Fin de note. C'est une salle ouverte sur le front, flanquée de corps de bâtiments garnis de hautes fenêtres à très petits carreaux. Dans les loges situées immédiatement de chaque côté du talar se tiennent le bourreau et ses aides qui, d'après l'étiquette, ont une place marquée dans toutes les cérémonies de la cour. Derrière le pavillon, on aperçoit des platanes et d'autres arbres qui ombragent un vaste jardin. La salle du trône est à une hauteur de 3 pieds environ au-dessus du sol. Plus large que profonde, elle est supportée par 2 colonnes d'un prix, dit-on, inestimable et que Kerim Khan avait fait venir de Chiraz. L'ornementation du plafond et des murs est de style persan, à facettes de verroterie. Les parois sont ornées de plusieurs portraits en pied des princes de la dynastie des Qajar et de Nasser ed-Din Shah, faits à différentes époques. Il y a aussi quelques tableaux représentant des épisodes de guerre qui laissent beaucoup à désirer sous le rapport artistique. Un grand rideau en toile blanche à dessins appliqués d'étoffe bleue et doublés d'indiennes à petites fleurs, se lève et se baisse devant le talar, ce qui ajoute un trait de plus à son cachet théâtral. À quelque distance et au pied du pavillon, s'étend sur toute sa largeur une vasque de forme oblongue avec eau jaillissante. Plus loin, au milieu de la cour, est un second réservoir entouré des 2 côtés d'arbres, d'arbustes et de fleurs. À l'autre extrémité, en face du talar, se trouve une porte du palais ornée de mosaïques représentant Rustam terrassant le Div. Une portière semblable à celle de la salle du trône masque cette entrée. Lorsque je pénétrai dans la cour, je vis alignées sur 2 rangées les troupes habillées à neuf des pieds à la tête en l'honneur du jour de l'an. À la droite du grand bassin, devant le talar, se tenait le ministre des Affaires étrangères. Note, Son Altesse Haji Mirza Hussein Khan, qui remplissait en même temps les fonctions de ministre de la guerre. Fin de note. Il portait un uniforme rouge sur lequel se détachait le grand cordon de l'Haussmannier, les diplomates étrangers avec leur suite, ainsi que plusieurs Européens formaient des groupes autour de lui. De l'autre côté étaient placés les ministres de l'Intérieur et des Finances, avec tout le personnel de leur administration, la Cour des comptes, le département de la justice et ses Ferratsch. Faisant face au Talar, on voyait grouper des poètes dont l'un devait adresser une ode au chat. Ensuite venait le clergé au grand complet. D'autres personnages disséminés formaient un ensemble aussi varié que pittoresque. Aucune femme persane, quel que soit son rang, n'assiste au salam. Sur les terrasses, la garde royale était postée. De distance en distance, un soldat tenait un bâton à pommeau d'argent, comme un héros d'armes. Ce sont eux qui donnent le signal au moment où le chat prend place sur son trône. Ce spectacle d'une rare splendeur, éclairé par un soleil radieux, produisait un effet admirable. Le plus grand silence régnait parmi les milliers de personnes réunies dans la cour du palais. Rien ne peut donner l'idée du calme d'une foule en Orient. À l'aspect recueilli de tous ces personnages, parmi lesquels se trouvaient bon nombre de vieillards à longue barbe et de différentes couleurs, vêtus de l'antique costume de cour, usité encore aux grandes cérémonies, on aurait cru voir des figures d'anciens tableaux. Ils en avaient l'immobilité et les poses. Le Talar resplendissait de magnificence et de richesse. Au milieu se trouvait le trône portatif en marbre, chef-d'œuvre de travail indien. Note, c'est le trône dont il a été question dans le chapitre des trésors. De notes. Les pieds qui le soutiennent représentent des figures allégoriques d'une perfection et d'infini merveilleux. Il est garni de coussins brodés en pierres précieuses et frangés de grosses perles fines. Devant et à côté du trône, on voyait les insignes de la royauté. Une couronne, une sphère, un bouclier et différentes armes antiques, symbole de conquête et de domination. Tout autour, il y avait étalé sur le sol une profusion d'objets de valeur. Des vases d'or, d'argent, d'émail, des plats en or massif de toutes formes, de toutes époques, des aiguières d'un travail admirable contenant des parfums, puis de nombreux plateaux de sucreries, des vases de confiture, etc. Ce fouillis de pierreries et de métaux précieux formait une masse étincelante. Autour du trône étaient groupés les princes de sang. Derrière eux venaient la maison du chat, les chambellans et les autres courtisans. Note. Les princes de sang. Les Qadjars se divisent en deux tribus d'après la partie du pays qu'elles habitent. La supérieure et l'inférieure. Nasser Eddin Shah appartient à la seconde. Les princes de la tribu supérieure ont rang à la cour, mais n'occupent pas les premières places. Fin de note. Aux quatre coins se tenaient deux fils du souverain et deux de ses parents portant divers emblèmes du pouvoir. Enfin, le Shah Insha parut. S'avançant majestueusement vers le trône, il s'y accroupit et s'appuya sur les somptueux coussins. Il portait un magnifique ralat en cachemire, enrichi de joyaux. Son sabre et le ceinturon étaient également garnis de pierreries. Une splendide aigrette en diamant ornait son bonnet. Au moment où le monarque prit place, un bruit assourdissant partant des terrasses du palais où était postée la garde royale retentit. C'était une sonnerie de trompette, répété par d'autres soldats placés sur les toits des maisons dans les différents quartiers de la ville. À ces fanfares, le canon répondit, ainsi que les musiques persanes et européennes. À partir de ce moment-là, une grande animation régna dans la foule rassemblée à l'extérieur du palais. Le Kalyanji présenta le Kalyan au roi des rois et attendit au pied du trône qu'il eut fini de fumer. Après avoir repris la pipe, il se prosterna et se retira à reculons. Ce chambellan portait un ralat en cachemire, un turban et des bas rouges. Note, les bas rouges de date ancienne complètent le costume de grande cérémonie. Fin de note. Après le kalyan, le café fut offert à Sa Majesté par un second chambellan vêtu de la même façon. D'autres rafraîchissements, avec intermède de kalyan, furent servis au chat, au milieu du plus profond silence. Nasser Eddin prit enfin la parole. Aussitôt, toute l'assemblée se prosterna pour ne se relever que lorsque Sa Majesté eut terminé son discours qui se résumait par un souhait de bonne année à son peuple. Le ministre des Affaires étrangères et d'autres hauts dignitaires, s'avançant devant le Tallah, adressèrent à leur tour de rôle leurs félicitations et leurs vœux au Shah Insha. Le chef du clergé récita des prières pour la santé et le bonheur du souverain. Chaque fois qu'il prononçait le nom d'Allah, tous se prosternaient. Le poète déclama un panégyrique du Shah où abondaient les comparaisons les plus extraordinaires, exaltant le génie du monarque qui gouverne l'Iran. Note, jadis, à la cour de Perse, lorsqu'un poète avait adressé une ode au chat, le plus noble du royaume était chargé de l'embrasser sur la bouche et de la lui remplir de pièces d'or. Cet usage fut modifié et les pièces d'or furent remplacées par des chirini. Aujourd'hui, les poètes ne sont plus fêtés ni de l'une ni de l'autre manière. Pauvre poète. Fin de note. Sa Majesté fit alors distribuer à tous, sans exception, des largesses sous la forme de petites pièces d'argent valant quelques centimes, frappées spécialement pour le Nowruz. Note. Le chat, en guise de félicitation, envoie aux ministres, fonctionnaires et employés de la cour une certaine quantité de ces petites monnaies, parmi lesquelles se trouvent souvent des piécettes d'or. En 1878, on frappa pour la première fois des tomans ressemblant à des pièces de 10 francs. D'un côté est l'effigie de Nasser Eddin Shah, de l'autre son nom et la date de son règne. Fin de note. Malgré leur mince valeur, tous les assistants tiennent à recevoir quelques-unes de ces piécettes parce qu'elles portent bonheur, dit-on, comme tout ce qui vient du roi des rois. Pendant la distribution, le chat continue à fumer son kalyan et à prendre son café. De temps en temps, il demande au premier ministre si la pluie n'a pas nui aux récoltes. Quel est le prix du pain? Et il l'interroge pour savoir si ses sujets sont heureux. Le vizir, en se prosternant, répond à l'ombre de Dieu qu'il n'existe pas un seul malheureux dans le glorieux pays, gouverné par le plus sage, le plus clément, le plus grand des rois, et que ses sujets jouissent de tous les bonheurs. Cette réponse fait le plus grand plaisir à Sa Majesté. Des coupes de toutes couleurs remplies de sorbet passent de main en main, excepté dans celles des chrétiens, dont les lèvres les rendraient impures. Pendant que l'assemblée les vide, Sa Majesté s'entretient tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre de ses ministres. Celui qui l'interpelle s'approche jusqu'au Tallah et, en se prosternant, assure le Shah Insha que son administration est irréprochable et marche d'une manière si parfaite que tout le monde s'estime heureux. Le monarque, complètement satisfait de la protection qu'Allah accorde à l'Iran, termine son discours du trône par une dernière aspiration du kalyan et se lève pour se retirer dans son appartement. À ce moment, le vizir, au nom des assistants, adresse encore quelques paroles au chat en guise de remerciement. Tous s'inclinent, se prosternent et ne se relèvent qu'après que le chat s'est retiré. Le salam est fini. Par son éclat et sa magnificence, cette cérémonie me semblait être la réalité d'une de ces fictions charmantes dues à la vive imagination des poètes orientaux. cette étrange et nombreuse réunion, ses vizirs, chambellans, grands officiers, mollahs, astrologues, sages du royaume, eunuques blancs et noirs, ferrach, bourreaux, pages, héros, soldats et gardes, me parurent ne plus appartenir à notre époque. En effet, en les voyant vêtus, les uns avec des caftans aux couleurs éclatantes, garnis de broderies, la tête couverte de turbans multicolores, les autres portant de longues tuniques de soie, serrées à la taille par des écharpes de cachemire et coiffées de bonnets pointus, tout cet ensemble de costumes curieux fait connaître les modes les plus anciennes de la cour de Perse. La célébration actuelle du Nowruz donne une idée exacte de ce que devait être un salam il y a des siècles. Comme, d'après un usage antique, personne ne doit se présenter devant le chat sans lui offrir un cadeau, principalement le jour du Nowruz, cette fête est l'occasion pour Sa Majesté de récolter de riches présents que de nombreux solliciteurs lui offrent en demandant telle ou telle faveur. Le plus souvent, ces offrandes produisent le résultat désiré. Note, on évalue au-delà de 60 millions de francs le produit annuel des cadeaux offerts aux chats. Fin de note. Aussitôt que le salam est fini, les réjouissances du peuple commencent. Sur la place du palais, des acrobates, des danseurs publics exécutent leur tour d'adresse et de force. Des gladiateurs demi-nus s'y livrent à des combats à l'instar de ceux des anciens. Tous ces bouffons et bateleurs, appelés pour amuser le public, sont payés par le gouvernement. Ils rappellent les clowns de nos cirques. En temps ordinaire, ils exercent une profession tout autre. Ainsi, un danseur est cafetier, un lutteur est scribe, un gladiateur est maître tailleur. De jeunes garçons remplacent les danseuses. Il est difficile de reconnaître leur sexe sous le costume de femme dont ils s'affublent. Ils portent une jupe courte, très ample, une jaquette, un bonnet brodé et laissent croître leurs cheveux. La place publique leur sert de cabinet de toilette. Ces fêtes de rue continuent jusqu'au coucher du soleil, puis chacun rentre chez soi, dire ses prières et prendre son cham, sans oublier de manger des tchirini qui doivent porter bonheur. Le soir, la ville est illuminée. Des feux d'artifice sont tirés dans l'avenue qui mène au palais, aux portes duquel on retrouve les danseurs et les acrobates. Leurs danses et leurs jeux, accompagnés d'airs nationaux, exécutés sur des espèces de guitares et de petits violons, servent d'intermède entre les diverses pièces du feu d'artifice. La musique militaire, composée d'instruments européens, alterne avec l'orchestre persan. Le public immobile, grave et sérieux, écoute et regarde tous ces pitres qui crient et se démènent de la plus belle façon. Vers 10 heures, chacun se retire, tout rentre dans le calme du plus profond silence. Note, dans la nuit du 22 mars 1878, tout Téhéran fut sur pied. Le feu prit au bazar, chez un artificier, pendant qu'il fumait tranquillement. Un magnifique caravansérail d'architecture gothique fut en partie détruit. On compta une centaine de victimes. Fin de note. À l'époque du Nowruz, les femmes des principaux dignitaires ne manquent pas de faire leur visite à Son Altesse Anisée Ed Daoulé. C'est le moment choisi pour adresser des pétitions à la favorite, accompagnées des cadeaux d'usage, bonbons, confitures, gâteaux, entre lesquels sont adroitement glissés des bijoux de prix et deux jolis petits sacs de tomans. Après les premières phrases d'étiquette, les dames causent entre elles avec la plus entière liberté. Celles qui demandent une faveur pour quelques membres de leur famille indiquent en même temps ce qu'elles donnent pour l'obtenir. Les femmes consacrent tout le premier mois de l'année à se rendre dans les andérounes de leurs connaissances. Ces visites durant plusieurs heures, elles ne peuvent en faire qu'une par jour. Fin du 44e chapitre.